chantons en cœur. Vibrations zombies, du chant, du phonie. Nous sommes des barbares, nous sommes des barbares. S'il y en a qui espèrent encore, nos amis l'ont devant la jolie. Tout le monde y danse maintenant. C'est vachement facile de danser le swing. Oh là là, attention. Faire une petite impro à la trompette, il va nous jouer Salve Maria. Ah, il est parti. Bon, on a qu'à jouer sans lui. Allez, chanson In the ghetto. ce ghetto. Alain Prost. Non, ne quitte pas, tout peut s'oublier. La la la la la, la in the ghetto. Ouais, c'est une chanson d'Edith Piaf, on la remercie d'avoir joué en première partie. 50 ans avant, on était déjà là. Ein, zwei, drei, vier. Chantier de montagne. Vas-y, mets la sauce. Sur un bateau, avec Marine Monod, avec Marine Dietrich, avec Brenda Garbo. Qu'un jour elle s'envolerait au travers des paniers, avec Marine Bobbitt, pour échelle et bambou. Les parties Titanic, le trésor des Saint-Jacques. J'ai tué mon père, j'ai tué mon père, j'ai tué mon père, car il souffrait trop. J'ai tué mon père, j'ai tué mon père, j'ai tué mon père, car il souffrait trop. J'ai tué mon père, j'ai tué mon père, j'ai tué mon père, car il souffrait trop. Ha ha ha! quels as-tu aspiré? Par aucun jouet il faut choisir. On a choisi la volée Champs-Élysées. Tu l'as rangé sur Canal 6 pour la secours, pour la Chine. La dernière bouteille pour le slip. Mise en scène de Roger A. Costume de Donald Cowell. Pour chercher mon numéro 6. Demain 19, 92. Assez, je n'en peux plus. Assez. Il est temps de partir loin de là. Il est temps d'arrêter ce massacre. Bande de fans de la roche. Si nous partions à l'autre bout du monde, Charles-Henri et ses collègues manquent toujours à la peine. Je n'en peux plus. Assez. Le signal canto en tête de mort. Le signal canto en tête de mort. Prenez ta mousette et partez dans les prés. Prenez ta mousette et partez dans les prés. Qui descend là. Va falloir que maman me fasse des ourlets. Et bien maintenant nous sommes partis très loin. Youpi tralala. Un spider. Millions en délire, mais j'en cavale. promettre qu'il devra un jour ou l'autre se combattre lui-même loyalement. Mon Astario est une jumelle rage. Rattrapez-le! Je me fous en galère avec beaucoup mes d'attitude. Je connais ça pas mon salaire, jamais manger de la poule. Je me fous en galère avec beaucoup mes d'attitude. Je connais ça pas mon salaire, jamais manger de la poule. Je s'en râle comme un faux devant les millions sans tenir. Mais j'en cavale comme un bison. Mais mon cœur a du mal à dire. Mon cœur s'en râle comme un faux devant les millions sans tenir. Mais j'en cavale comme un bison. Mais mon cœur a du mal à dire. Ok, vous aimez le folklore? On va faire un morceau folklorique. Et comme on sait que Sainte-Florence, c'est pas très loin de la Roche-sur-Yon, et que la Roche-sur-Yon, c'est pas très loin de Guadalajara, on va vous faire un morceau typique. Tiki, tiki, tiki. Aïe, aïe, aïe. Allez. Merci Placido Domingo. Allez, tout le monde y danse maintenant. C'est le Paso Doble. Vous choisissez le ou la partenaire, et vous dansez le Paso Doble. Vas-y Bruno, fais ton lyrics. Aïe aïe, le rancho grande. Aïe aïe, donde vivia. Aïe una rancherita. Alegre me decía. Aïe aïe, le rancho grande. Aïe aïe, donde vivia. Aïe una rancherita. Le football et vive l'OM. Eh, vous faites les fiers là, mais je suis sûr que vous étiez tous devant votre poste de télévision. Cette chanson est dédiée à Gilles. Chanson contre toutes les frontières. I wanna be a parachutist. I wanna be Alain Prieur. J'plaf. I wanna be Alain Prieur. I wanna be Robert Papin. Ouah. I wanna be Robert Papin. C'est pas cool d'être à la bourre. Je vais vous raconter une histoire vraiment cool. C'est l'histoire d'Alain Prieur. Ok. I wanna be a policeman. I wanna be a policeman. Do you wanna be a policeman? I wanna be a policeman. Cette chanson est dédiée à tous les inspecteurs en civil. Tous les inspecteurs de la DSGE, du deuxième bureau, de la piscine. Ils sont nombreux dans la salle. Nous savons qu'ils sont là avec leurs fils, leurs femmes, leurs filles et leurs enfants. Car tous ils aiment les Ludwig. Car les Ludwig chantent pour eux ce soir une petite chanson toute cool. I wanna be a policeman. I wanna be a policeman. I wanna work with the Maréchal Foch. I wanna work with the Maréchal Foch. I wanna sing with Patrick Bruel. I wanna sing with Patrick Bruel. De toutes les matières, c'est la Watt que je préfère. Oh, de toutes les matières, c'est la Watt que je préfère. 15 days in a county jail. Some of them are talking and some of them well. We no go dancing in a prison cell. No go dancing and they go any sense. No, arguing with the law and justice. No, talking with the police. No, arguing with the law and justice. No, talking with the police. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Patrick, tu peux casser la voix en sniffant la coco. Si tu veux être fini comme ton pote Stanley, tu peux tuer la vie en sniffant la rue. Goodman, Goodman, Edith Cresson, Goodman, Goodman, Jacques Chateau, Goodman, Goodman, j'ai ma coiffeur pour moi, Goodman, Goodman, même qui veut pas, voilà, voilà, Pompero, Bilbao, elle est plus forte. De toutes les matières, c'est bien Charles-Henri et Ségolène que je préfère. Cet été, sur les chutes des Ormaises. Tout le monde se développer derrière ces épais murs. Je les sens tout bien frais. Je vais les accrocher à distance respectable. Pour tout le temps éveiller leur haine en propophage. Ça sent le moisi. C'est la conscience de toi. De mon menu mémoire. Des paris se délèguent. De l'énergie des necs. Pour des minarets. Je les entends crier. La rose contre un chameau. Qu'ils n'auront pas à peau. Ouais. Merci. suis plus fort. Merci beaucoup. De rien. N'en faites rien, merci. Allez, une chanson sur les clubs de vacances. Le mois de juillet pointe au bout de l'horizon. Il va falloir choisir la Côte d'Azur ou les vacances au Baléares. Allez les gars, allez les filles. 10, 9, club. Ah, ça sent le coup d'eux. Policier, moustachu, coffret la vie, tiens le cul. Ceinturé super volant, aime bien se serrer les enfants. Fais-toi courant, fais-toi courant, fais-toi courant. Fils-moi. C'est la guerre là. Pas de pluie, touche du cuir. Super phara et sévire. Apprenez le geste qui saute. Fais-toi, fais-toi, fais-toi courant. Fais-toi courant, fais-toi courant, fais-toi courant. Pas de nudistes en été, lourdes majeures bien bronzées, en solaire des pieds au front, plus ça glisse et plus c'est bon. Fais ça pour, fais ça pour, fais ça pour. Allez, la suivante pour Charlu. Super bourré par le FIFA Playa Club. Les élus pas mal foncés par le FIFA Playa Club. Fist fuck, fist fuck, fist fuck, fist fuck. Allez à ta droite, policier, moustachu. Yo, yo, à ta vie, ça me tue. Bien curé, super volant. Et bien sucer les enfants. Fichonne-moi. Sous le soleil des tropiques. Merci. Après la banlieue maudite, après des vacances assez hyper classe, La chance ne se sourit plus. Nous n'avons pas gagné au loto, nous ne finirons pas milliardaire sur la Côte d'Azur ni à Monaco. In the ghettos, il n'y a pas d'Alain Prost. Cette chanson pour tous les enfants qui sont nés il y a 5 ou 6 ans du côté en Ukraine. Allez, tous les enfants de Tchernobyl. On peut les applaudir eux aussi, hein. tenu en de disgracieuses ordures. Attendre que naissent les monstres de notre laxisme inconscient. Yo! Yo! compétence. En frappant le sol avec le talon gauche, regardez ce balancement des bras à hauteur uniforme. On se croirait sur la place de l'Autocorne à une heure de pointe. Waouh, waouh, ne me quitte pas, tout peut s'oublier. Waouh, waouh. Êtes-vous prêts? Est-ce que vous voulez écouter une chanson qui nous a rendus célèbres? Yeah! Est-ce que vous connaissez chez Williams, coiffeur pour messieurs? Ah, je suis étonné là. Allez, je la fais pour vous seulement. Chez Williams, coiffeur pour messieurs. Yabadoubadapoubadach. Je suis un chanteur riff gauche.